Écouter un écrivain, entendre son œuvre, des entretiens, des lectures. Un été d'écrivain, c'est tout l'été sur France Culture entre 20h et 21h. Des auteurs français, des auteurs étrangers. Jean-Philippe Toussaint. Annie Ernaux. Antonio Lobo Antunes. André Brink. Jean Dormesson. Lydie Salbert. Et toute cette semaine, le romancier Mathias Sénard s'entretient avec Olivier Rollin. Voix nue. À voix nue. Ce soir encore, Mathias Sénard rencontre Olivier Rollin. Tout de suite, en Russie. Bonsoir Olivier Rollin. Bonsoir. Vous venez de publier tout récemment un magnifique récit, Le météorologue, qui poursuit votre chemin vers le dépouillement et la simplicité, un chemin que vous avez accompli ces dernières années en grande partie en Russie. Dans le cas de ce récit, le dépouillement du style est lié au sujet, c'est-à-dire un sujet russe, parce que c'est une histoire terrible, c'est une histoire de déportation, enfin d'une injustice, indénie de justice, d'une déportation et mort affreuse. C'est une histoire qui est l'histoire d'un individu, mais à travers cet individu-là, ça dit quelque chose de centaines de milliers d'autres vies, 750 000, hein, je veux dire, à peu près, enfin, selon les chiffres que donne par exemple Nicolas Werth, de victimes de la grande terreur stalinienne. Donc je me sentais une espèce de devoir de pas du tout de réserve, au contraire, d'empathie avec ces destins fauchés, brisés, massacrés. Mais il me semblait qu'il fallait pas faire le malin, quoi, voilà. Il fallait pas faire le malin, qu'il fallait pas faire des fioritures de style, qu'il fallait se tenir éloigné, qu'il fallait être exact, qu'il fallait être aussi précis, aussi exact que possible, etc., dans tout ce qui était les données historiques. Et qu'il fallait, pas faire le zigoto avec l'écriture, quoi. Qu'il fallait qu'elle soit aussi matter of fact que possible. C'était une question de décence, quoi. C'est-à-dire, on fait pas le virtuose quand on va raconter une histoire pareille. Une des choses que j'admire dans le récit de Tchekhov sur l'île de Sakhaline, c'est que lui non plus, il fait pas le malin. Enfin, je veux dire, c'est un rapport. Enfin, d'une manière générale, Tchekhov fait rarement d'ailleurs des effets de style très très très appuyés. Mais en tout cas, là, c'est vraiment une écriture modeste, quoi. Bon, parce que ce dont il va parler, ce sont des réalités humaines terribles. Alors voilà, dans ce cas, le dépouillement ou la simplicité était lié au sujet. Et qui se trouve être un sujet russe. Mais je crois que cette évolution, s'il y en a une, et je pense qu'il y en a une en effet, vers plus de simplicité d'écriture, vers plus de sobriété d'écriture, c'est un mouvement que j'ai commencé il y a longtemps, là encore, qui n'est pas tout à fait... Enfin, si, qui est conscient, mais je veux dire qui n'est pas le résultat d'une inflexion voulue, enfin, ou en tout cas pas complètement voulue. Ce qui est certain, c'est que quand j'étais jeune, j'avais envie de faire le malin, justement. J'avais envie de montrer que j'étais capable de faire des sauts périlleux arrière, des entrechats très compliqués avec la langue. Oui, de faire le virtuose, quoi. Et je pense que c'est une chose qu'on éprouve plus volontiers dans sa jeunesse, quand on débute. Et j'avais envie non seulement de faire de la virtuosité, des allitérations, des machins, bon, mais j'avais envie aussi, j'avais une espèce de méfiance vis-à-vis de la littérature romanesque, qui me venait de mon passé militant, et puis des études de philosophie, etc. Il me semblait qu'une littérature romanesque digne devait être jusqu'à un certain point ésotérique. Enfin, il devait y avoir un certain ésotérisme dedans. Bon, j'étais donc un lecteur de Mallarmé. Ce n'est pas pour rien que mon premier livre s'appelle « Phénomène futur », qui reprend le titre d'un poème en prose de Mallarmé qui s'appelle « Le phénomène futur ». Mes héros littéraires, c'était Mallarmé, c'était donc un écrivain italien qu'on ne lit plus beaucoup, me semble-t-il, maintenant, mais qui est Carlo Emilio Gadda. Et notamment un livre qui s'appelle « La connaissance de la douleur », livre qui est très compliqué, assez obscur, enfin souvent obscur, qui avait été traduit par François Valle. Je crois que je me suis laissé dire que François Valle avait rajouté quelques obscurs. François Valle, qui était un grand lacanien, etc., avait rajouté quelques obscurités encore aux obscurités originelles. Enfin bon, voilà, j'aimais une littérature jusqu'à un certain point ésotérique, et d'autre part, pratiquant une virtuosité lexicale dans les rythmes, etc. Je me suis dépouillé progressivement de cela. Certaines fois, il y a nécessité de cela. Enfin, il est bon qu'il y ait de la... Dans l'invention du monde, il y a des passages qui sont extrêmement, non pas obscurs, je pense, mais en effet virtuoses. Parce que dans l'invention du monde, je voulais que ce soit, comme c'est un portrait de la planète, je voulais que ce soit aussi une espèce de catalogue de tous les styles possibles, depuis le style de la comédie de boulevard jusqu'au mallarméisme. Bon. Donc, je ne répudie pas tout à fait cette espèce de baroquisme, mais... Tout de même, j'incline de plus en plus vers quelque chose, vers une langue plus simple. Il y a sans doute un effet il faut pas se le dissimuler, quoi. Il y a un effet du vieillissement aussi. Enfin, on est moins porté à des tas de choses, au combat de rue, etc. C'est-à-dire au hip-hop, etc. Quand on aborde les rivages où j'aborde. Et puis il y a aussi le fait que, enfin, les grands livres, les livres que j'aime, c'est quand même toujours des livres, disons, qui ne sont pas si simples que ça. Hein. J'aime les livres de Faulkner, un des chocs littéraires de mon apprentissage, ça a été Ulysse, et je continue à relire de temps en temps des passages d'Ulysse. Je viens de relire Au-dessous du volcan, ou Sous le volcan, enfin, Malcolm Lowry, enfin, je ne suis pas non plus l'adepte de la petite musique, hein, mais... Je vais vers plus de clarté. Et Olivier Rollin, le météorologue, c'est pas une petite musique. Le météorologue, c'est une musique sourde et froide et implacable, comme l'est la machine stalinienne qui détruit cet homme dans ce camp des Solovki. Donc il y a aussi toujours une adéquation au projet. Oui, mais c'est ce que je disais en commençant, Yann. Chaque livre génère son programme, quoi. L'invention du monde ne peut pas être écrit dans la même longueur d'onde, dans le même ton, avec le même lexique que le météorologue. Et derrière le météorologue, il y a aussi la Russie et peut-être l'arrivée aussi à pas à maturité, mais en tout cas à une relation beaucoup plus profonde et à chaque fois plus profonde, une connaissance à chaque fois meilleure de l'espace et de l'histoire soviétique et russe. Puisque vous nous avez raconté que c'est un voyage que vous avez commencé, le voyage qui vous a le plus marqué sans doute, était ce voyage de la fin des années 80, 86, ouais. Pour écrire ce livre en Russie. Et c'est ensuite quelque chose que vous avez poursuivi. C'est sans doute le pays que vous connaissez le mieux, en fait. Oui, certainement. Oui, mais c'est drôle parce que je m'aperçois qu'une chose que je n'arrête pas de répéter, c'est que je n'ai pas décidé un jour de devenir un spécialiste de la Russie, je ne le suis pas d'ailleurs, ni même de m'intéresser, d'y revenir souvent, etc. Il s'est trouvé que, ayant fait ce premier voyage, je ne sais plus comment ça s'est enchaîné, mais j'étais ensuite invité par des profs à parler à Irkoutsk, etc. Et puis, ainsi de suite, puis j'ai connu des gens, puis de fil en aiguille, en effet... Je suis retourné donc plus de 25 fois, je crois, dans ce pays. Je peux pas dire que je le connaisse, il est tellement gigantesque. Je ne connais pas tout, je connais pas toutes les villes, mais enfin disons, je connais toutes les... Je suis allé jusqu'au bout, jusqu'en Extrême-Orient, jusqu'à Vladivostok, je suis allé à Magadan, dans les débarcadères de l'enfer, enfin l'endroit où on débarquait les forçats de la Kolyma. Je suis allé dans le Grand Nord sibérien, je suis allé dans l'Asie centrale, je suis allé... Enfin voilà, je connais beaucoup d'endroits en Russie, j'y suis allé souvent. Alors à chaque fois, en effet, ma connaissance s'augmente. À chaque fois, je comprends un peu plus de choses de ce pays. Et à chaque fois, je finis par aimer aussi plus de choses de ce pays. Mais ce pays qui ne se donne pas immédiatement comme aimable, qui n'est pas un pays c'est pas un coup de foudre avec la Russie. Hein. Mais enfin, disons que je crois comprendre, oui, maintenant pas mal de choses. Je crois comprendre un peu le qu'est-ce qu'il y a dans la tête de beaucoup de gens là-bas qui ne rentrent pas si simplement sous les catégories qui sont les nôtres. Par exemple, ici, on dit, bon, nationaliste, etc. Oui, bien sûr, il y a des nationalistes, il y a des antisémites, il y a des nationalistes belliqueux, xénophobes, etc. Mais il y a aussi des gens, tout simplement, qui sont patriotes. Il y a des gens qui sont... et pour qui c'est synonyme d'être antifasciste, etc. Enfin, quelquefois, quand je lis des articles dans la presse française, j'ai l'impression que toutes ces choses-là sont trop simplifiées. Olivier Rollin, dans vos livres, la Russie, c'est aussi la Russie surtout la Russie du XXe siècle, la Russie de la Révolution ou de ce qu'il en reste, la Russie des tragédies de la Seconde Guerre mondiale, la Grande Guerre patriotique, comme l'appellent les Russes, la Russie des camps, et c'est aussi un peu la Russie du désenchantement. On se demande si vous êtes, si c'est pas un pays qui vous convient, justement, parce que vous avez aussi ce rapport à la révolution, à l'espoir révolutionnaire. Oui, ce qui me convient pas, c'est que malheureusement, l'histoire de la révolution et de l'assassinat de la révolution, par Staline pour faire vite, mais en fait, par les révolutionnaires eux-mêmes, par Lénine lui-même, etc. Enfin, cette histoire-là est au fond très peu connue, très peu explorée. Elle l'a été un peu, et puis elle est de moins en moins. Il n'y a pas beaucoup de recherches, il n'y a pas beaucoup de recherches historiques, enfin, autant que je sache. Ça ne tient pas une très grande place dans la littérature actuelle. Enfin, bref, donc ça ne me convient pas. Ce trait-là de la manière d'être des Russes, de la Russie actuelle, ne me convient pas. Je me sens tout à fait partie liée avec des gens de Mémorial, de cette association qui lutte justement pour la mémoire. Mais il y a de moins en moins de militants de Mémorial. Enfin, il y en a beaucoup moins qu'il y a 20 ans. Donc, alors, il y a une espèce de mélancolie historique, en effet, que je partage, mais qui, disons, n'est finalement pas le sentiment général dans ce pays actuellement. Le sentiment général, enfin, c'est toujours idiot de dire sentiment général parce qu'il y a quand même, ils ont beau pas être très très très nombreux, ils sont quand même, je sais plus combien, 150 millions, il y a autant de sentiments que d'individus, mais c'est quand même plutôt la lutte pour la vie maintenant, le gagner sa croûte, l'enrichissement, aller passer des vacances en Égypte, enfin c'est quand même plutôt ça l'état d'esprit moyen d'un Russe que de s'interroger sur qu'est-ce qui s'est passé pour que la révolution se termine dans un bain de sang. Enfin, pour que cette promesse ne se soit pas réalisée. Olivier Rollin, ce qui est frappant, c'est que on a l'impression que vous réparez une injustice. Vous essayez en tout cas d'apporter votre pierre à la réparation que cette immense injustice qui a été l'oubli de ces destins et notamment de déportés. Je pense à bien sûr au texte que vous avez écrit sur la Colima, mais surtout à votre dernier livre, Le Météorologue, où on sent que vous prenez ce destin de ce météorologue déporté aux îles Solovki un peu comme, et ça c'est la force de la littérature, représentatif ou du moins l'exemple peut avoir derrière lui l'immensité de tous ses destins. Oui, mais l'injustice que je veux réparer, c'est pas à moi en Russie même. Dire c'est aux Russes de faire ça. C'est aux écrivains russes, aux chercheurs russes, c'est aux démocrates. Il y en a quand même. C'est à tous ces gens-là de faire que le passé soit d'en tirer les enseignements et soit une école, quoi. C'est pas à moi. Moi, en revanche, en tant qu'écrivain français, né juste après la Seconde Guerre mondiale, je me sens, en effet, il y a une injustice que je voudrais réparer, enfin, réparer, contribuer un petit peu à réparer, c'est aveuglement volontaire, souvent, aveuglement coupable, pas simplement ignorance, aveuglement volontaire, oui, de l'intelligentsia française, des écrivains français, des politiques français, etc. Mais en l'occurrence, des écrivains, des intellectuels français. Voilà. Nous avons, nos pères ont voulu ignorer ce qu'était la terreur, ce qu'étaient les camps, pour des tas de raisons, pas, enfin, voilà, parce que c'était quand même l'Union soviétique, c'était le vainqueur du nazisme, parce que le communisme, c'était quand même l'avenir du monde, parce que Sartre pensait qu'il y avait, bien sûr, ils avaient beaucoup de défauts, etc., mais il y avait quand même deux camps, celui du socialisme, celui de l'impérialisme, et celui du socialisme était quand même très largement préférable, enfin, bon... Pour toutes ces raisons-là, l'horreur, horreur sans nom quand même, enfin, encore une fois, des millions de morts, millions de d'innocents dont la vie a été entièrement saccagée, eh bien tout cela, on a les intellectuels français dans l'ensemble n'ont pas voulu le voir. Et ceux qui ont voulu le voir, ils ont été calomniés, ostracisés, etc. Alors, en tant qu'intellectuel français, des générations immédiatement après celle-là, en tout cas, je trouve légitime de continuer à faire connaître, avec mes petits moyens, de rappeler que cette histoire terrible a existé. Olivier Rollin, les paysages aussi ont quelque chose de très important pour vous. Les paysages russes sont à la fois terrifiants de désolation, puisqu'ils sont souvent vides et glacés, en tout cas c'est l'image qu'on en a, des îles perdues dans une mer gelée. Et on sent que c'est aussi la poésie de ces endroits qui vous inspire. Mmh. Oui, oui. Oui, mon premier rapport, si je puis dire, avec la Russie, c'était quand j'étais enfant et que je voyais donc un planisphère, très grand planisphère, qui était pendu au mur dans la maison de ma grand-mère, et où on voyait cette immensité de terre, cet archi-continent qui va, voilà, depuis les frontières de l'Europe jusqu'à l'Alaska, enfin jusqu'au détroit de Bering, donc au-delà du Japon, etc. Bon. Et c'est d'abord cette espèce de fascination de l'immense qui m'a attiré vers ce pays et qui continue à m'attirer. J'ai écrit quelque part que je ne voulais pas mourir sans avoir vu la ville d'Anadyr, qui est une petite ville tout au bout de la Tchoukotka, là, c'est donc sur le détroit de Bering, qui est une ville donc dans laquelle ne parviennent ou d'où ne sort aucune route, pour la bonne raison que autour il y a rien, il y a de la toundra, et puis bon, et donc c'est fascinant quand même, ce petit îlot d'humanité qui est perdu au bout de milliers de kilomètres de, où il y a rien. Presque rien. Donc tout ça continue à me fasciner. Oui, les écrivains russes eux-mêmes, il y a quelque chose qui les fascine là-dedans. Enfin, j'ai relu récemment des bouquins de Bounine ou de Ildi Bounine, qui vivait en France, qui est mort en France. Bon, enfin, mais dans un de ses livres, il dit voilà, je suis né et j'ai grandi dans une immensité dont aucun Européen ne peut se former une idée. Pour nous, ce qui est grand, c'est je sais pas quoi, la Beauce. Donc voilà, cette dimension de l'espace presque non pas infini, bien sûr, on pense quand même sur la Terre, mais très difficile à mesurer. Combien y a-t-il de jours de route? Je ne sais pas si on veut aller par la route, c'est possible quand même, si on veut aller par la route de Moscou à Vladivostok. Combien y a de jours de route? Je ne sais pas. 8, 10, 12, je ne sais pas. En tout cas, en train, une semaine. Bon. Et alors, d'autre part, c'est vrai que cet espace, c'est ce que je dis aussi un peu dans le météorologue, enfin, à la fin, cet espace, alors, physiquement, il n'est pas très fascinant, il n'y a pas de très grande beauté naturelle, enfin, il est quand même très plat, c'est de la forêt, ou de la plaine, de la steppe, comme selon le titre de Tchekhov. Il y a une espèce de monotonie, mais en même temps, on sait que chaque endroit est peut-être un cimetière. C'est brutal de le dire comme ça, mais chaque forêt a pu abriter une fosse commune. J'en ai vu, moi, des forêts où on a retrouvé récemment des fosses communes. Chaque toundra a pu abriter un camp. Chaque colline de l'extrême-orient soviétique, là, de la Colima, a abrité un petit camp. Enfin, c'est donc un espace qui est intrinsèquement mélancolique, quoi, intrinsèquement, essentiellement marqué par la violence politique. Et cette violence politique que le météorologue donc subit, cet ingénieur soviétique dont vous racontez l'existence, vous parliez tout à l'heure de rapport. Votre livre, Olivier Rollin, le météorologue a vraiment la sécheresse et la précision d'un rapport terrifiant. Comment vous avez reconstitué son existence? Sans trop de difficultés. Enfin, c'est-à-dire que j'ai rencontré une femme historienne qui est morte maintenant dans ces îles justement où il avait été déporté, qui m'a déjà mis à ma disposition un certain nombre de documents, enfin des documents qui avaient été publiés d'ailleurs à compte d'auteur par la fille du météorologue. Donc j'ai eu comme ça accès aux lettres, à beaucoup des lettres que son père lui envoyait. Et puis après j'ai rencontré quelqu'un qui avait bien connu la fille, donc à l'autre bout de sa vie, quand elle avait plus de 60 ans. Et par lui, j'ai eu accès à tous les documents, à tous les procès-verbaux d'interrogatoire qui avaient été recopiés à la main à l'époque où c'était encore possible de le faire, enfin, pendant la brève période où ça a été possible de le faire, c'est-à-dire grosso modo dans les années Yeltsin, quoi, où les archives s'ouvraient beaucoup, etc. Et donc il y avait un type qui était lui-même météorologue et qui avait, par amitié, recopié, était dans au FSB, là, à Lubyanka, et recopié à la main tous les procès-verbaux d'interrogatoire. Bon, donc j'ai eu ça. Et puis j'ai vu les gens de Mémorial, j'ai vu à plusieurs reprises, qui avaient fait une enquête de plusieurs dizaines d'années pour retrouver les lieux des exécutions, reconstituer les circonstances des exécutions, etc. Parce que ce qu'il faut dire, donc, enfin, ce que ne savent peut-être pas tous les auditeurs, c'est que cet homme, par exemple, a été fusillé donc en 1937, pendant ensuite pratiquement 20 ans, le pouvoir soviétique répond à sa femme, qui constate qu'elle ne reçoit plus de lettres, qu'il a été condamné à 10 ans de supplémentaire de camp sans droit de correspondance. Et donc, pendant presque jusqu'à la mort de Staline, elle pense qu'il est, elle espère qu'il est encore vivant. Il faut attendre la mort de Staline, donc il faut attendre 56, donc presque 20 ans après l'exécution, pour qu'enfin ils disent oui, il a été exécuté. Mais, disant cela, ils ne disent pas, ni les circonstances, bien sûr, qui sont particulièrement hideuses, ni le lieu. Et donc, il faut encore attendre plus de 30 ans après, pour que les chercheurs de Mémorial trouvent le lieu de l'exécution, une exécution qui est une exécution de masse, hein, où il y a 1111 personnes en 4 jours, qui sont 4 nuits, qui sont exécutées. Et voilà, ils reconstituent tout ça. Donc il faut attendre 60 ans après la mort, après l'exécution du type, pour qu'on sache enfin ce qui lui est arrivé, quoi. Et Olivier Rollin est dans le camp des îles Solovki où il est déporté et interné pendant jusqu'en 37. Il y a une bibliothèque. Oui. Et c'est aussi une des quêtes magiques un peu du livre qui est de retrouver la trace de ces livres, de cette bibliothèque et des livres qu'il a pu avoir dans les mains. Oui, enfin du livre et puis du film que j'ai fait avec Elisabeth Kapnist pour Arte. Il y avait en effet une bibliothèque, c'est une chose très singulière, qu'il est difficile d'expliquer, qui s'explique, je pense, par le fait que c'était le premier camp, que par conséquent, on improvisait, enfin, les bourreaux, les tchéquistes improvisaient, ils tâtonnaient, et ils n'ont pas trouvé tout de suite la bonne recette. Et donc, comme les détenus étaient en plus, au début, assez majoritairement des gens, des intellectuels ou des ex-nobles, enfin des gens qui, à un titre ou à un autre, avaient des bibliothèques, avaient l'usage des livres, ils venaient avec des livres, et ils ont eu longtemps le droit de s'en faire envoyer par leurs proches, leurs familles, etc. Ce qui fait voilà que progressivement, c'est amassé dans ce camp des îles Solovki, encore une fois, unique en son genre pour cela, une bibliothèque qui a atteint, paraît-il, 30 000 volumes, dont plusieurs milliers en langues étrangères. Le météorologue dont je raconte l'histoire a été le responsable de la section langues étrangères de cette bibliothèque pendant les années où il a été là-bas, c'est-à-dire 34, 35, 36. Et alors, quand le camp a fermé, le camp a fermé en 39, pour des raisons qui n'étaient plus très utiles là où il était, non pas parce qu'on a fini avec les camps, comme vous savez, mais parce qu'il était plus utile d'en faire ailleurs. Bon. Et donc les détenus ont été transférés, et je me demandais en effet qu'était devenue cette bibliothèque. Aucun chercheur russe n'avait enquêté spécialement là-dessus, ne le savait. Bon, et j'ai eu la chance d'en retrouver, non pas les 30 000 livres, bien sûr, mais quelques, quelques dizaines d'exemplaires dans le village qui a été, qui était le centre administratif d'un autre camp à quelques centaines de kilomètres de là. Et comment peut-on les reconnaître Ben parce qu'il y a le tampon dessus, un tampon, chaque camp a ses tampons, et là c'est un tampon triangulaire, violet, sur lequel c'est marqué Sloan, ce qui veut dire camp à destination spéciale des îles Solovki, OGPU, c'est-à-dire, voilà, Obiedinonoye, enfin bref, GPU quoi. Et Olivier Rollin, est-ce que vous gardez encore... Je suis très mauvais en russe, j'arrive même pas à dire... à dire GPU. Oui, que veut dire cet acronyme bon. Et enfin bref, donc il y a le tampon avec le nom du, l'acronyme du GPU et du camp des Solovki. Olivier Rollin, est-ce que vous... Vous avez encore, vous gardez... Ce que je voudrais dire, pardon, non, je reviens, non, parce qu'il y a des choses quand même qui sont très émouvantes. Dans les livres que j'ai retrouvés, il y a des livres qu'on s'attendrait pas à trouver dans un camp de concentration. Il y a les souvenirs d'égotisme de Stendhal et la vie d'Henri Brûlard. Et, alors, que je n'ai pas retrouvé, mais dont je sais qu'il était dans la bibliothèque, il y avait à l'ombre des jeunes filles en fleurs. Et celui-là, je n'ai pas retrouvé. Mais il y a un témoignage d'un type qui, lui, a réchappé du camp 20 ans après et qui se souvient avoir lu « À l'ombre des jeunes filles en fleurs » au milieu de la mer gelée, au milieu de la mer blanche gelée, dans un camp de rééducation par le travail. C'est quand même beau. Enfin beau. Olivier Rollin, est-ce que, après tous ces voyages en Russie, est-ce que vous gardez encore un espoir révolutionnaire? Est-ce que finalement, dans ce pays du désenchantement post-poutinien, avec après votre propre expérience de la lutte, vos désirs de révolution, est-ce que vous conservez encore un espoir révolutionnaire, quelque chose de... Non, une volonté de changer le monde. Oui, une volonté de changer le monde, oui. Simplement, je pense qu'on n'a pas inventé les formes qui permettraient de mobiliser le courage, la passion, l'imagination des hommes, enfin des hommes et des femmes, sans les abrutir, sans les plier sous des mots d'ordre, justement, sans les plier à une discipline et un sectarisme de parti, etc. Eh bien, ces formes-là n'ont pas encore été inventées, restent à inventer. Donc, qu'il y a une nécessité de changer le monde et que le monde change de base, elle est toujours aussi forte, bien sûr. Mais je suis sûr que ça ne peut pas prendre la forme ni de la révolution d'octobre, ni de la révolution chinoise, ni de la révolution française, ni d'un parti d'avant-garde, voilà. Je crois que des gens essaient d'inventer des formes nouvelles qui soient moins autoritaires, qui soient moins abrutissantes. Je crois, parce que je lis ça de temps en temps dans les journaux. Bon, oui, il y a besoin de subvertir le monde, mais ça ne peut pas se faire, ça ne doit pas se faire, je pense, avec les outils traditionnels que donnait la théorie révolutionnaire, quoi. Voilà. Je voudrais dire, à part ça, je voudrais revenir sur... Parce qu'il n'y a pas quand même que la révolution et l'espace qui me... Enfin, que le souvenir de la révolution et que la griserie de l'espace qui m'attire en Russie. Comme c'est un pays qui a très mauvaise presse, je voudrais dire aussi qu'il y a il y a quelque chose de sentimental que je trouve dans ce pays. Pas toujours non plus, mais qui est extrêmement émouvant. Dans le documentaire là que j'ai fait justement sur l'histoire de cette bibliothèque, bon, on est accueilli par la bibliothécaire de ce minuscule village à moitié en ruine maintenant qui s'appelle Yertsevo. C'est là qu'on va retrouver des bouquins. Cette femme nous accueille absolument de façon magnifique, avec des tas de petits pirochki qu'elle a fait, des gâteaux, de la vodka, une bonne humeur, une gaieté formidable. Enfin, je n'ai jamais été accueilli dans une bibliothèque en France ou ailleurs de cette façon-là. Donc il y a, je sais pas, un sens de l'accueil, une hospitalité, une sentimentalité. Oui, en effet, on pleure facilement. Tout cela, à quoi je suis humainement attaché. Et puis il y a la langue, que je pratique extraordinairement mal, mais qui me paraît une des plus admirables, une des plus belles à entendre. Enfin, voilà, donc ce sont beaucoup de choses qui m'attachent à ce pays, en apparence peu attachant. Merci Olivier Rollin. Mais je vous en prie. Fin de cette rencontre de Mathias Sénard avec Olivier Rollin. Voix nue. Attaché d'émission, Claire Poinsignon, Mathieu Maroudin. Réalisation, Vincent Abouchard. Coordination, Sandrine Trainer. Cette émission s'écoute en ligne pendant une durée de 1000 jours et ce podcast pendant un an sur franceculture.fr. Et dès lundi, une nouvelle rencontre. France Culture, un été d'écrivain. Un été d'écrivain. Deuxième partie, le temps des lectures. Tout l'été, nous prolongeons les entretiens avec des écrivains par des lectures de leurs œuvres. Ce soir et toute cette semaine, nous écoutons Olivier Rollin, lisant lui-même ou lu par des acteurs. L'œuvre de Olivier Rollin est multiple et chaque livre est comme une facette particulière de cette œuvre rassemblée dans la collection Fiction et compagnie aux éditions du Seuil sous le titre Circus. Voici donc un circus radiophonique proposé à partir de 5 livres choisis par Olivier Rollin lui-même, Méroé, Tigre en papier, L'invention du monde, Un chasseur de lions et Le météorologue, dernier livre paru et que nous présente ce soir Olivier Rollin. Dans Le météorologue, j'ai enquêté sur la vie, mais surtout sur l'arrestation et la mort d'une des centaines de milliers de victimes de la grande terreur stalinienne, Alexei Féodosievitch von Gengheim, fondateur de l'Institut météorologique de l'URSS. Déporté en 1934 au camp des îles Salovki, au milieu de la mer Blanche, il disparaît en 1937 avec un millier d'autres détenus. Il faudra attendre 60 ans pour que les chercheurs militants de l'association Mémorial découvrent le lieu et les circonstances terribles de leur fin. Pages arrachées à Olivier Rollin. Cinquième épisode. Le météorologue. Le marais de Zacharie. « 1116 détenus embarquent pour Kem fin octobre 1937. Et à partir de ce moment, on perd leurs traces pendant 60 ans. C'est un jour d'automne maussade, le bateau s'éloigne, son sillage s'efface à la surface de l'eau grise. Pendant un long moment, on le voit encore faire route vers l'ouest, vers Kem, sous un panache de fumée qui se mêle aux nuages bas et gris. Puis on ne voit plus que la fumée, puis plus rien. » Les 1116 hommes disparaissent avec la fumée du bateau dans la nuit sanglante de ce qu'on appelle aujourd'hui la Grande Terreur. La suite de l'histoire m'est racontée par deux des trois personnes qui ont fini par découvrir, au terme d'une longue enquête, le lieu et les circonstances des exécutions. Irina Fliguet et Youri Dmitriev. La troisième, Venia Mignofé, est morte depuis. Medvejegorsk, la montagne de l'ours, était la capitale, si le mot convient, du complexe de camps voué au percement du canal de la Mer Blanche. Étant donné le nombre de bitches, d'ex-intellectuels déportés dans ces camps, c'était aussi, selon le mot de l'un d'eux, la capitale de l'intelligentsia russe dans les années 30. C'est aujourd'hui une bourgade dans laquelle on n'a pas tellement envie de s'éterniser. À la sortie est de la ville, on longe les hautes palissades de bois, les miradors et les barbelés de la zone, vestiges du goulag. Au centre, sur la rue Dzerzhinsky, la haute façade lépreuse aux vitres cassées de ce qui fut le grand hôtel construit pour y loger Staline, venu inaugurer en 1933 le canal portant son nom. Quelques grues rouillées, des tas de houille et de grumes, c'est le port sur le lac Onega. Tout ça, avec les ladas et gigoulis boueuses cahotant par les rues défoncées, les hautes cheminées grêles des chaufferies, les canalisations aériennes, compose un paysage horriblement soviétique. La chose jolie de Medvejegorsk, c'est la gare en bois, espèce de datcha ferroviaire construite en 1916 sur la ligne de Mourmansk et qui a miraculeusement survécu à trois guerres, la première mondiale, la seconde et la guerre civile. Beaucoup de fantômes errent sur ses quais. C'était donc à Medvejegorsk, explique Irina, qu'il fallait concentrer les recherches. Or justement, à Medvejegorsk, quelques années auparavant, un ancien colonel de la milice devenu député à la Douma et militant de Mémorial, Ivan Chouchine, enquêtant sur l'histoire de la construction du canal, était tombé sur le dossier du procès intenté en 1939 à deux commandants de camps locaux, Alexandre Chondich et Ivan Bondarenko, et au capitaine Matveyev. En 1996, Chouchine était mort d'un accident de la route, mais Irina Fliguet et Veniamin Yoffe, venus de Pétersbourg, découvrent ses recherches, en même temps qu'ils rencontrent Youri Dmitriev, qui fut son adjoint. Chondich, Bondarenko et Matveyev avaient été accusés d'excès de pouvoir dans une exécution de masse, celle précisément du convoi des Solovki. 1939. C'est l'époque où Staline prétend soudain découvrir les excès de la Grande Terreur et rétablir la légalité socialiste, et fait tomber quelques têtes expiatoires, dont pour commencer celle de Yejov. Les trois salauds qu'on inculpe d'excès de pouvoir, on ne leur reproche pas d'avoir exécuté froidement plus de 1000 personnes, pour ça ils ont même été récompensés, mais on leur reproche de ne pas y avoir mis les formes, d'avoir été un peu brutaux avec les gens qu'ils menaient à l'abattoir. Chondich et Bondarenko tentent de se défausser sur Matveyev, en vain, puisqu'ils seront condamnés à mort et exécutés, tandis que Matveyev s'en tirera avec 10 ans, dont il n'accomplira même pas 3. Il est temps de présenter Mikhaïl Matveyev, exécuteur du NKVD, un de ces individus tarés qui prospèrent dans les polices politiques des dictatures, type humain abject, qu'on retrouve identique dans la Gestapo, les gangs tortionnaires des juntes militaires chiliennes ou argentines, ou plus près de nous, les sbires de Tripoli ou Damas. C'est par sa main, puisqu'il met son honneur à ne pas déléguer le soin de tuer, qu'il n'est jamais là du sang, c'est par sa main que va mourir Alexei Ferdosievitch Vangenheim, le météorologue. Il est un peu facile, sans doute, de trouver une sale gueule à un type dont on sait qu'il est un bourreau. Mais franchement, il y a quelque chose d'invinciblement bas, joues et bouche tombantes, cou épais, nez pointu, dans les photos d'identité judiciaire prises en 1939. Il est né en 1892, n'a fait que 2 ans d'études élémentaires, est devenu aide-serrurier à l'usine Volcan, mais ce n'était pas sa vocation. Ce n'était pas les gâchettes des serrures qu'attendaient ses doigts. La guerre civile le voit participer à la prise du palais d'hiver, qui ne fut nullement l'événement héroïque que fabriqua Eisenstein, mais c'est comme chargé des exécutions, un poste qui a de l'avenir, qu'il intègre la police politique en 1918. En récompense de son boulot qu'il fait avec ardeur, ce n'est pas lui un saboteur, Il reçoit des distinctions qui portent des noms de revolvers, Browning, Walther, des montres en or, des postes de radio, Radiola, des gâteries pour un bourreau. Il prend donc en charge à Kem le convoi des 1116 condamnés des Solovki. Il les fait embarquer dans des wagons à bestiaux à destination de Mielvejegorsk, en plusieurs contingents, l'isolateur local ne pouvant contenir plus de 300 personnes. Les réponses de Matveïev lorsqu'il est interrogé en 1939 sont glaçantes. Il y a eu, au cours de la première fournée d'exécution, le 27 octobre, une tentative d'évasion d'un détenu qui avait réussi à dissimuler un couteau. Alors, il conçoit une chaîne destinée à éviter toute mauvaise surprise. À Mielvejegorsk, le condamné passe dans une première baraque où l'on vérifie son identité et le déshabille sous prétexte de visite médicale, puis une deuxième en enfilade où on lui lie les mains et lui entrave les jambes, et enfin une troisième où s'il se montre récalcitrant, on l'étourdit avec une sorte de casse-tête fabriquée spécialement pour la circonstance, avant de le jeter dans la benne d'un camion. Le lieu de l'exécution est en forêt, sans plus de précision. Il n'y a guère que de la forêt autour de Mielvejegorsk. On creuse de grandes fosses, on y précipite les condamnés, on les retourne face contre terre et on les tue d'une balle dans la nuque. Pas on, mais lui personnellement, Matveïev. Quand on lui demande s'il a vu certains de ses hommes tabasser des condamnés, il répond que c'est arrivé en effet, mais qu'il n'a pas pu le voir car il était en bas, dans le trou, avec son revolver Nagant. Chaque jour, chaque nuit plutôt, car ces choses-là se passent de nuit, le 27 octobre 1937 et du 1er au 4 novembre, il expédie entre 200 et 250 contre-révolutionnaires. Et en plus, il doit signer les actes attestant que chaque sentence a été exécutée. Bref, il travaille d'arrache-pied. Il n'a pas volé sa montre en or. Au printemps 1997, résume Irina Fliguet, on sait qu'il y a eu 1111 exécutions, que cela s'est passé dans la forêt, aux environs de Mielvejegorsk, et on sait même qu'environ 19 kilomètres séparent l'isolateur des fosses communes, parce que dans le dossier du procès de 1939, Matveïev cite ce chiffre, se plaignant de l'état des routes pour souligner la difficulté de son travail. Il n'y a pas 36 routes qui sortent de Mielvejegorsk. Mais de toute façon, on sait que celle qui nous intéresse est celle qui file à l'est vers Pavenets, car à un moment, un camion est tombé en panne à cause précisément du mauvais état de la chaussée, et Matveïev dit qu'il a eu peur que les habitants du village de Pindouchi n'entendent quelque chose, crient des prisonniers ou jurons des hommes d'escorte du NKVD. Or, Pindouchi est sur la route de Pavenets. Donc, le lieu de l'exécution et quelque part entre Pindouchi et Pavenets. À présent, notre guide va être Youri Dmitriev, un de ces personnages comme il semble que seule la Russie peut en produire. La première fois que je le rencontre, c'est dans une baraque à l'intérieur d'une zone industrielle en ruine, entourée de hauts murs, à la lisière de Petrozavodsk, la capitale de la Carélie. Portiques rouillés, montagnes de pneus usagés, tuyauteries tordues, tas de vieilles gaines d'amiante, carcasses automobiles sous des nuages bas que semblent érafler les cheminées de briques. Youri est le gardien de ces lieux où se concentre et s'épure une qualité d'abandon qui caractérise nombre de paysages urbains ou périurbains russes. Émacié, barbe et cheveux gris tenus par un catogan, vêtu d'une vieille veste de treillis de l'armée, il promène au milieu des épaves une dégaine de folle en Christ matinée de vieux pirates pomores. En 1989, raconte-t-il, une excavatrice a déterré par hasard un tas d'ossements humains. Les fonctionnaires locaux, les chefs militaires, la procurature, tout le monde est venu voir. Personne ne savait que faire, personne ne voulait prendre de responsabilité. Si vous n'avez pas le temps, et je dis moi, je vais m'en occuper. Il a fallu 2 ans pour prouver qu'il s'agissait de victimes des répressions. C'est ainsi qu'on désigne ces massacres en russe, riplessia. On les a enterrés dans l'ancien cimetière de Petrozavodsk. Après la cérémonie, mon père m'a avoué que son père avait été arrêté et fusillé en 1938. Jusque-là, on me disait que le grand-père était mort, point. Alors est venu le désir de connaître le destin de ces gens. Et j'ai commencé à travailler avec Ivan Tchoukhine, dont j'étais l'adjoint, au livre de la mémoire de Kareli, qui réunit des notices sur 15 000 victimes de la terreur. Pendant plusieurs années, je suis allé travailler aux archives du FSB. Je n'avais pas le droit de photocopier. Donc j'apportais un dictaphone pour dicter les noms et les recopier à la maison. Pendant 4 ou 5 ans, je me suis couché avec un seul mot en tête, Rastrelyan, fusillé. Et un jour de mars 1997, on a mis une autre table dans le local des archives pour un couple qui recherchait le dossier Matveïev et enquêtait sur l'histoire du convoi des Salovki. C'était Irina et Veniamin Yoffe. Nous avons décidé de réunir nos efforts et l'été suivant, en juillet 1997, on est allé sur le terrain avec ma fille et la chienne sorcière. À Miedvejegorsk, les autorités locales mettent à leur disposition un groupe de soldats pour creuser. Ils se rendent, Irina, Veniamin, Yuri, sa fille, la chienne sorcière et les troufions, au 19e kilomètre de la route de Pavenets, après Pindouchi. Il y a là une ancienne sablière. La première journée, ils creusent en vain, ne trouvent qu'un os de vache. Le lendemain, Yuri part avec un lieutenant et sorcière explorer les environs. En travaillant dans les archives, j'avais trouvé un procès-verbal des instructions du NKVD. Il fallait que l'endroit soit suffisamment éloigné de la route pour que d'éventuels voyageurs ne puissent voir ni le feu allumé par l'escorte, ni les phares des camions, ni entendre les coups de feu, que les détenus ne puissent pas s'enfuir. Tout en expliquant ça au lieutenant, je regarde autour de moi et je me dis, si la patrie m'avait donné l'ordre, où l'aurais-je fait ? Il faut espérer, et je crois d'ailleurs, qu'il ne l'aurait pas fait. Ici, trop près de la route. Plus loin, on n'aurait pas vu le feu, mais on aurait entendu les coups de feu. Plus loin, là, ce serait bien. En bas de la troisième petite colline. Et tout en pensant ça, je vois autour de nous des dépressions carrées dans le sol. Beaucoup. Il faut savoir, je l'ai appris de Yuri et Irina, que la décomposition des corps provoque un affaissement du sol de 10 à 30 cm et que c'est un des indices qui permettent de repérer une fosse commune ancienne, ainsi qu'un changement dans la végétation, l'herbe, par exemple, ou des buissons, remplaçant la mousse. On revient, je prends 2 soldats avec des pelles, et 1 heure et demie plus tard, je tenais le premier crâne avec un trou dans la nuque. Le lieu s'appelle Sandarmor, nom qui signifierait, selon Yuri, le marais de Zakari, dans un mélange de russe et de carélien. Il se trouve au bout d'une route en terre, à 800 mètres à gauche de la route de Pavenets. L'hiver, il est difficilement accessible. On enfonce parfois dans la neige jusqu'à la taille. Majestueuses et belles sont les forêts séculaires de la région de Nega, écrit Julius Margolin, un juif polonais qui fut déporté en 1940 avec des dizaines de milliers d'autres pour avoir franchi illégalement la frontière de l'URSS, fuyant l'avance nazie. Sur un rocher, à l'entrée du site, aujourd'hui, cette seule inscription, Ljudi, nie ubivajte drug druga. Jean, ne vous tuez pas les uns les autres. Je ne connais pas d'inscription plus juste que celle-là, si rigoureusement simple, sans aucune mention politique, religieuse, historique, sans invitation à la vengeance ni même à la justice, en appelant seulement à la loi morale. Il y a plus de 360 fosses dans la forêt, de taille variable. Il y a de discrets monuments aux morts polonais, juifs, musulmans, lituaniens, ukrainiens, mais surtout sous les hauts troncs gris et rouges des pins qui feuillettent la lumière, l'autre futaie, plus basse, des galoubtsé, les pigeonniers. Un poteau de bois fiché en terre, surmonté d'un petit toit à double pente pour abriter la colombe de l'âme. Clouée sur le poteau, la photo du mort, qui est parfois une morte, comme cette belle Nina Zakharovna Delibache au regard farouche, une économiste géorgienne fusillée le 1er novembre 1937 à l'âge de 34 ans, dans le convoi des Solovki donc. Il est injuste sans doute que la beauté d'une fusillée augmente soudain l'émotion qu'on éprouve à croiser ses regards assassinés, mais c'est ainsi, il faut le reconnaître. Visage de la forêt des fusillés. Tous parlent de la vie d'avant, pas grande sans doute, mais vivable, abritant un espoir d'amour, de famille, de promotion, de justice, une vie que n'avait pas encore saccagée l'incompréhensible violence de l'État. Ivan Alexievitch Vassiliev, Pavel Nikolaevitch Bielov, en casquette de soldat. Ivan Yefimovitch Maximov, un pope, en habit sacerdotaux. Dmitri Trofimovitch Kochanov, un homme jeune, cravaté, à l'air timide, les cheveux brillantinés. Alexei Sergeyevitch Sergeyev, qui ressemble un peu à Faulkner, en plus sympathique, plus paysan, moins arrogant, fusillé le 1er novembre 1937. Ivan Ivanovitch Mikhailov, au regard grave sous la casquette. Uro Kinnunen, un Finlandais. Ivan Ivanovitch Avtokratov, fusillé le 2 novembre 1937. Les trois frères Pankratiev, Pavel, Dmitri et Semyon, fusillés en 37 et 38. Ivan Alexeyevitch Yefimov, Alexandre Alexeyevitch Vlasov, Andrei Sidorovitch Yefimov, Yefim Porfirovitch Diki, Anton Yasifovitch Nijinsky, Matvei Gordeyevitch Laikachev, qui a une moustache sombre, un bon regard candide, une chapka lustrée. Et puis, Alexei Feodosievitch Van Gengheim, météorologue. Les fleurs artificielles jettent de vives taches de couleur parmi tous ces morts. Rumeur du vent dans les hautes cimes des pins, chants d'oiseaux, aucun autre bruit. Dans ce lieu si paisible aujourd'hui, se sont déroulées des scènes infernales. Isolateur de Medvedjegorsk. Combien sont-ils dans la cellule? Je ne sais pas. On appelle son nom. Les gardes le mènent dans une baraque où l'on relève son identité, nom Van Gengheim, prénom Alexei, patronyme Feodosievitch, né le 23 octobre 1881 à Krapivno, gouvernement de Tchernigov, République socialiste soviétique d'Ukraine. Combien de fois a-t-il répondu à ce questionnaire depuis le jour, il y a presque 4 ans, où Gazov et Chanine l'écrouaient à la Loubianka? On le fait se dévêtir, c'est pour une visite médicale. On le pousse dans une autre baraque, et là des sbires lui saisissent les bras, les retournent dans le dos, lui lient les poignets, le jettent à terre, lui entravent les jambes. S'il avait encore des doutes sur le sort qui l'attendait, c'est peu probable, à cet instant, il sait que le parti en lequel il mettait sa confiance, dont il s'interdisait de désespérer, va l'abattre comme un animal de boucherie, lui et tous les autres. C'est peu probable. Et en même temps, il est impossible qu'il ait jamais pu imaginer cette infamie. On lui ôte son alliance. Il essaie peut-être de résister, alors les tueurs le frappent, on le traîne dans une salle où sont déjà allongés d'autres corps ligotés, certains ensanglantés. Lingots de chair humaine. L'homme est le capital le plus précieux, a écrit le camarade Staline. Lorsque le chiffre est atteint, une cinquantaine, on les jette dans la benne de 2 camions. Les gardes les tassent à coups de bottes, étendent sur eux une bâche, s'assoient dessus. Les camions démarrent. Corps nus, collés les uns aux autres, entravés, piétinés, sanglants, tremblants de froid et d'horreur. Voilà la fraternité incontestable dont a accouché la Révolution. Ce genre de pensée lui traverse-t-il l'esprit? Pense-t-on à quelque chose? Lorsqu'on est mené, lié, à l'abattoir, on est au début de novembre, sans doute la première neige est-elle tombée, le lac Onega doit être en train de geler. Dans la forêt, un grand feu brûle autour duquel les hommes du NKVD se réchauffent, fument, boivent de la vodka, plaisantent. Ils ne sont pas impressionnés, ils ont l'habitude. Ils travaillent pour les camps du canal, et le canal est un grand mangeur d'hommes. Ils ont creusé plusieurs fosses, pas très grandes, 3 ou 4 mètres sur 2. Ils sont une vingtaine, il y a d'autres camarades un peu plus loin. Certains sont ivres. Le feu fait danser de grandes ombres sous les arbres, des tourbillons d'étincelles montent entre les troncs. Les gardes descendent des camions, demandent du monde pour décharger. On tire les suppliciés, on les fait tomber d'ébène comme des rondins, on les traîne par terre, ils sont nus ou en linge de corps, les bourreaux ont des vestes ouatinées et des chapkas, ils se moquent d'eux comme des hommes bien vêtus peuvent se moquer d'hommes nus, comme ceux qui vont vivre et tuer peuvent se moquer de ceux qui vont mourir, comme les centurions romains se moquaient du Christ. Les chiens aboient, excités. Le capitaine Matveïev finit sa cigarette, jette le mégot dans le feu, boit un coup de vodka, s'essuie la bouche, saute dans la fosse, arme son nagant. La seule mince satisfaction que procure l'étude de ces temps sauvages, c'est de constater que presque toujours les fusilleurs finiront fusillés. Pas par une justice populaire ou internationale ou divine, fusillés non par la justice, mais par la tyrannie qu'ils ont servie jusqu'à l'abjection. Mais fusillés quand même, et ça fait du bien de l'apprendre. On cherche leurs notices biographiques quand ils en ont, et ça se termine presque toujours par Rastrelian, fusillé, le temps. Cette autodestruction des bourreaux montre la folie de l'époque. Dans cette histoire, Yagoda, chef du NKVD, fusillé. Comme Prokofiev, son adjoint qui signa l'ordre d'arrestation de Vangenheim. Iejov, son successeur, fusillé. Frinovski, l'adjoint de Iejov, fusillé. Fusillé à Pressian et Chanine, deux des interrogateurs de Vangenheim à la Loubianka. Fusillé le procureur Akulov. Fusillé le major Apeter, chef de la prison des Solovki. Fusillé Zakovski et Pazerne, deux des trois de la Troïka spéciale de Leningrad. Pas le procureur Vichinsky, malheureusement, qui fera une belle carrière d'ambassadeur à l'ONU après-guerre et mourra dans son lit. Pas non plus Mikhaïl Matveïev, le serrurier sanglant. Celui-là finira alcoolique à Leningrad, chassé du NKVD non à cause des crimes qu'il a commis, bien sûr, mais parce qu'il a épousé une Estonienne, autant dire une espionne potentielle. C'était Pages arrachées à Olivier Rollin. Cinquième épisode. Le météorologue. Avec Olivier Rollin. Conseillère littéraire, Céline Geoffroy. Prise de son, montage et mixage, Claire Levasseur et Bastien Varigaud. Assistante à la réalisation, Litorquia. Réalisation, Sophie Aude-Picon. Extrait choisi par Olivier Rollin. Le météorologue est publié aux éditions du Seuil. C'était un été d'écrivains, des entretiens, des lectures, des auteurs français, des auteurs étrangers. Toute cette semaine, Olivier Rollin. Vous pouvez réécouter, télécharger sur franceculture.fr cette émission, ainsi que toute la série d'un été d'écrivains diffusée depuis le début du mois de juillet sur France Culture. La semaine prochaine, nous retrouverons le feuilleton de France Culture avec une série de 5 épisodes consacrés à la rentrée littéraire.